Les Confessions de Saint Augustin. Traduction Moreau 1864. Livre 2e, Augustin à 16 ans. Désordre de sa première jeunesse, ses débauches à l'âge de 16 ans, l'art saint dont il s'accuse sévèrement. Chapitre 1er, Désordre de sa jeunesse. Je veux rappeler mes impuretés passées, et les charnelles corruptions de mon âme, non que je les aime, mais afin de vous aimer, mon Dieu. C'est par amour de votre amour que je reviens sur mes voies infâmes dans l'amertume de mon souvenir, pour savourer votre douceur, ô délices véritables, béatitude et sécurité de délices, qui recueillez en vous toutes les puissances de mon être dispersées en mille vanités loin de vous, mon centre unique. Car je brûlais, dès mon adolescence, de me rassasier de basse volupté, et je n'eus pas honte de prodiguer la sève de ma vie à d'innombrables et ténébreux amours, et ma beauté s'est flétrie, et je n'étais plus que pourriture à vos yeux, alors que je me plaisais à moi-même et désirais plaire aux yeux des hommes. Chapitre 2. Ses débauches à 16 ans. Ma plus vive jouissance n'était-elle pas d'aimer et d'être aimé? Mais je ne m'en tenais pas à ces liens d'âme à âme, sur la chaste lisière de l'amitié spirituelle. D'impures vapeurs s'exhalaient des fangeuses convoitises de ma chair, de l'effervescence de la puberté, elles couvraient ou offusquaient mon cœur. La sérénité de l'amour était confondue avec les nuages de la débauche. L'une et l'autre fermentaient ensemble, et mon imbécile jeunesse était entraînée dans les précipices des passions et plongeait dans le gouffre du libertinage. Votre colère s'était amassée contre moi, et je l'ignorais. Au bruit des chaînes de ma mortalité, j'étais devenu sourd, j'expiais la superbe de mon âme. Et je m'éloignais de vous, et vous me laissiez, et je m'élançais, et je débordais, et je me répandais, et je me fendais en adultère, et vous vous taisiez. Ô ma tardive joie, vous vous taisiez alors, et, toujours plus loin de vous, je m'avançais dans les aridités fécondes en douleur, avilie dans l'orgueil, agitée dans la fatigue. Qui eût alors modéré ma peine? Qui m'eût borné à l'usage légitime de la fugitive beauté des créatures éphémères et de leurs délices, pour que les flots de ma jeunesse ne débordassent pas du moins la plage conjugale, s'ils ne pouvaient s'apaiser dans le but de la procréation des enfants, selon la prescription de votre loi, Seigneur, qui réglait la génération de notre mortalité, et pouvait étendre une main adoucie pour émousser des épines inconnues au paradis? Car votre toute-puissance est tout près de nous, lors même que nous sommes loin de vous. Que n'ai-je du moins écouté plus attentivement la voix de vos nuées? Ils souffriront des tribulations dans leur chair, et moi je vous les épargne. Il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Celui qui est sans femme pense aux choses de Dieu, à plaire à Dieu. Celui qui est lié par le mariage pense aux choses du monde, à plaire à sa femme. 1 Corinthiens 7, 28, 1, 32, 33, 34. Que n'ai-je ouvert l'oreille à cette voix? Eunuque de volonté en vue du royaume des cieux. Matthieu 19, 12, dans l'attente plus heureuse de vos embrassements. Mais je brûlais, malheureux, et livré au torrent qui m'entraînait loin de vous, je m'affranchis de tous vos commandements, sans échapper à votre verge. Qui le pourrait? Vous étiez toujours présent dans la miséricorde de vos rigueurs, abreuvant des plus amers dégoûts toutes mes joies illégitimes, pour m'entraîner à chercher les joies exemptes de dégoût. Et où les eussé-je trouvés hors de vous, qui faites entrer la douleur dans le précepte? Psaume 93, 20, qui frappait pour guérir, Qui tu es pour nous empêcher de mourir à vous ? Deutéronome 32, 39. Où étais-je ? Et dans quel lointain exil des délices de votre maison, à cette 16e année de l'âge de ma chair, qui prit alors le sceptre sur moi, esclave volontaire, livré sans réserve à la frénésie de cette passion, que notre dégradation a franchi de tout frein, mais que votre loi condamne. On ne se mit point en peine d'offrir le mariage au devant de ma chute, on n'avait à cœur que de me faire apprendre à bien dire, à persuader par ma parole. Chapitre 3. Vice de son éducation. Et, cette même année, ramené de Madour, ville voisine de notre séjour et mon premier pèlerinage littéraire et oratoire, j'avais interrompu mes études. On préparait la dépense d'un plus lointain exil à Carthage, mon père, humble citoyen du municipe de Tagaste, consultant moins sa fortune que son ambition. Et pour qui ce récit ? Pas pour vous, mon Dieu, mais en m'adressant à vous, je parle à tous les hommes mes frères, si peu qu'ils soient ceux à qui ces pages tomberont entre les mains. Et pourquoi ? Pour que tout lecteur considère avec moi de quel profond abîme il nous faut crier vers vous. Et néanmoins se confesser de cœur, vivre de foi, quoi de plus près de votre oreille ? Quelle louange alors ne prodiguait-on pas à mon père pour fournir, au-delà de ses ressources, au studieux et lointain voyage de son fils ? Combien de citoyens beaucoup plus opulents que lui étaient loin d'avoir tel souci de leurs enfants ? Et ce même père ne s'inquiétait pas si je croissais pour vous, si j'étais chaste, pourvu que je fusse disert, ou plutôt désert sans votre culture, ô Dieu, bon, vrai, seul maître du chant de mon cœur ? Or, à cet âge de 16 ans, des affaires domestiques ayant mis entre mes études un intervalle de vacances oisives, je vécus chez mes pères et mères. Et c'est alors que les ronces des désirs impurs s'élevèrent au-dessus de ma tête, et nulle main n'était là pour les arracher. Loin de là, mon père s'aperçoit un jour, au bain, de ma pubescence qui, déjà, me couvrait d'un manteau de frémissantes inquiétudes, et, tressaillant comme à l'aspect de ses petits-fils, dans sa joie, il en fait part à ma mère. Joie de livrer sous ce monde vous oublie, vous, son créateur, pour aimer vos créatures au lieu de vous, enivré qu'il est du vin invisible d'une volonté pervertie et livré au vil penchant. Mais déjà dans le cœur de ma mère vous aviez commencé votre temple et jeté les assises de votre sainte habitation. Mon père n'était encore, lui, que simple catéchumène, et tout récemment. Elle frémit donc de pieuse épouvante, et trembla, quoique je ne fusse pas encore fidèle. Elle craignit pour moi ces voies tortueuses où s'engagent ceux qui vous présentent le dos et non la face. Hélas, osais-je encore dire que vous gardiez le silence, ô mon Dieu, quand je m'éloignais de vous ? Était-ce ainsi que vous vous taisiez pour moi ? Et de qui étaient donc ces suaves paroles, que, par la bouche de ma mère, votre servante fidèle, vous me disiez à l'oreille ? Et rien n'en descendait dans mon cœur pour l'incliner à l'obéissance. Elle me recommandait instamment, et m'avertit un jour en secret, avec quelle sollicitude je m'en souviens, de me dérober à tout amour impudique et surtout adultère. Je prenais cela pour des avis de femme, que j'eusse rougi d'écouter. Et c'étaient les vôtres, et je l'ignorais, et je pensais que vous vous taisiez, et que seule elle parlait, elle par qui vous me parliez, et c'est vous que je méprisais en elle, moi son fils, fils de votre servante, et votre serviteur. Mais je ne savais pas, et je me précipitais avec tant d'aveuglement, qu'entre ceux de mon âge j'étais honteux de mon infériorité de honte, car je les entendais se vanter de leurs excès, et se glorifier d'autant plus qu'ils étaient plus infâmes, et j'avais à cœur de péché, soif de plaisir et soif de gloire. Qu'y a-t-il de blâmable que le vice ? Moi, crainte du blâme, je devenais plus vicieux. Et à défaut de crime réel pour m'égaler au plus corrompu, je feignais ce que je n'avais point fait, j'avais peur de paraître d'autant plus méprisable que j'étais plus innocent, d'autant plus vil que j'étais plus chaste. Voilà avec quel compagnon je courais les places de Babylone, et me roulais dans sa fange comme dans des eaux de senteur et de parfum de cinnamome. Et pour m'attacher plus victorieusement au principe du péché, l'ennemi invisible me foulait aux pieds, et me séduisait, si facile que j'étais à séduire. Sorti du cœur de la cité abominable, mais culminant, lent encore, dans les voies du retour, la mère de ma chair m'avertit bien de garder la pudeur. Et pourtant cette confidence de son mari n'éveilla pas en elle la pensée de resserrer dans les limites de l'amour conjugal, sinon de couper au vif ses instincts passionnés dont les germes, déjà si funestes, offraient à ses alarmes le présage des plus grands dangers. Elle négligea le remède, dans la crainte que toute mon espérance ne fût entravée par la chaîne du mariage, non pas cette espérance de la vie future qu'elle plaçait en vous, ma pieuse mère, mais l'espérance d'un avenir littéraire dont ils étaient l'un et l'autre trop jaloux pour moi, lui, parce qu'il ne songeait guère à vous, et rêvait des vanités pour moi, elle, parce que loin de croire que ses études me fussent nuisibles, elle les regardait comme des échelons qui devaient m'élever jusqu'à votre possession. Telles sont les conjectures que hasarde mes souvenirs sur les dispositions de mes parents. Et puis au lieu d'user d'une sage sévérité, on lâchait la bride dans mes divertissements à la multitude de mes passions déréglées, et un épais brouillard interceptait sans cesse à ma vue, ô mon Dieu, la lumière de votre vérité. Et mon iniquité naissait comme de mon embonpoint. Psaume 72, 7. Chapitre 4. Larcin. Le larcin est condamné par votre loi divine, Seigneur, et par cette loi écrite au cœur des hommes, que leur iniquité même n'efface pas. Quel voleur souffre volontiers d'être volé? Quel riche pardonne à l'indigent poussé par la détresse? Eh bien moi, j'ai voulu voler, et j'ai voulu sans nécessité, sans besoin, par dégoût de la justice, par plénitude d'iniquité, car j'ai dérobé ce que j'avais meilleur, et en abondance. Et ce n'est pas de l'objet convoité par mon larcin, mais du larcin même et du péché que je voulais jouir. Dans le voisinage de nos vignes était un poirier chargé de fruits qui n'avait aucun attrait de saveur ou de beauté. Nous allâmes, une troupe de jeunes vauriens, secouer et dépouiller cet arbre, vers le milieu de la nuit, ayant prolongé nos jeux jusqu'à 7 heures, selon notre détestable habitude, et nous en rapportâmes de grandes charges, non pour en faire régal, si toutefois nous y goûtâmes, mais ne fût-ce que pour les jeter aux pourceaux, simple plaisir de faire ce qui était défendu. Voici ce cœur, ô Dieu, ce cœur que vous avez vu en pitié au fond de l'abîme. Le voici, ce cœur, qu'il vous dit ce qu'il allait chercher là, pour être gratuitement mauvais, sans autre sujet de malice que la malice même. Hideuse qu'elle était, je l'ai aimée, j'ai aimé à périr, j'ai aimé ma difformité, non l'objet qui me rendait difforme, mais ma difformité même, je l'ai aimée. Âme souillée, détachée de votre appui pour sa ruine, n'ayant dans la honte d'autre appétit que la honte. Chapitre 5. On ne fait point le mal sans intérêt. La beauté des corps, telle que l'or, l'argent, a son attrait. L'attouchement est flatté par une convenance de rapport, et à chaque sens correspond une certaine modification des objets. L'honneur temporel, la puissance de commander et de vaincre ont leur beauté, d'où naît aussi la soif de la vengeance. Et, pour atteindre à ces jouissances, nous ne devons pas sortir de vous, Seigneur, ni dévier de votre loi. Cette vie même que nous vivons ici-bas a pour nous charmer sa mesure de beauté, sa juste proportion avec toutes les beautés inférieures. Le nœud si cher de l'amitié humaine trouve sa douceur dans l'unité de plusieurs âmes. Cause de péché que tout cela, quand le dérèglement de nos affections abandonne, pour ces biens infimes, les plus excellents, les plus sublimes, vous, Seigneur notre Dieu, et votre vérité et votre loi. Ces biens d'ici-bas ont leur charme, mais qu'est-il auprès de mon Dieu, Créateur de l'univers, unique joie du juste, délice des cœurs droits? Recherche-t-on la cause d'un crime, on y croit d'ordinaire, que s'il apparaît un désir d'obtenir, une crainte de perdre quelqu'un de ces biens infimes dont nous parlons, car ils ont leur grâce et leur beauté, mais qu'ils sont bas et rampants, si l'on songe au trésor de la gloire et de la béatitude. Il a été homicide. Pourquoi? Il convoitait la femme ou l'héritage de son frère, il a voulu le voler pour vivre, ou se mettre en garde contre ses larcins, il brûlait de venger une offense. Aurait-il tué pour le plaisir même du meurtre? Est-ce croyable? Car s'il est dit de cet homme, monstre de démence et de cruauté, qu'il était gratuitement méchant et cruel, nous savons néanmoins pourquoi. Il craignait, dit l'historien, que le repos n'énervât sa main ou son cœur. Salluste, guerrier de cas, 109. Mais ici encore, pourquoi? Il voulait que cette pratique du crime le rendît maître de Rome, fit tomber dans ses mains honneur, richesse, autorité, la franchit de la crainte des lois, et de cette détresse où le réduisait la perte de sa fortune et la conscience de ses crimes. Ce Catilina n'aimait donc pas ses forfaits même, mais la fin qui le portait à les commettre. Chapitre 6. Il se trouve dans les péchés une imitation fausse des perfections divines. Qu'ai-je donc aimé en toi, malheureux larcin, crime nocturne de ma saison? Tu n'étais pas beau, étant un larcin, es-tu même quelque chose, pour que je parle à toi? Ces fruits volés par nous étaient beaux, parce qu'ils étaient votre œuvre, beauté infinie, créateur de toutes choses, Dieu bon, Dieu souverain bien et mon bien véritable. Ces fruits étaient beaux, mais ce n'était pas eux que convoitait mon âme misérable, j'en avais de meilleurs en abondance, je ne les ai donc cueillis que pour voler. Car aussitôt je les jetais, ne savourant que l'iniquité, ma seule jouissance, ma seule joie. Si j'en approchais quelqu'un de ma bouche, je n'y goûtais que la saveur de mon crime. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, je cherche ce qui m'a plu dans ce larcin, et je n'y vois aucune ombre de beauté. Je ne parle point de cette beauté qui réside dans l'équité, dans la prudence, ou bien, dans l'esprit de l'homme, sa mémoire, ses sens, sa vie végétative, ni de la splendide harmonie des corps célestes, et de la terre et de la mer se peuplant de créatures par une continuelle succession de naissances et de morts, ni même de cette beauté menteuse, voile des vices décevants. Car l'orgueil contrefait l'élévation, et vous seul, ô mon Dieu, êtes élevé au-dessus de tous les êtres. L'ambition, Que cherche-t-elle, sinon les honneurs et la gloire? Et vous seul devez être honoré, seul glorifié dans tous les siècles. La tyrannie veut se faire craindre, et qui est à craindre que vous seul, ô Dieu? Votre pouvoir se laisse-t-il jamais rien ravir, rien soustraire? Quand, où, par qui se pourrait-il? Et les profanes caresses veulent surprendre l'amour, mais quoi de plus caressant que votre amour? Quoi de plus heureusement aimable que la beauté resplendissante et souveraine de votre vérité? La curiosité se donne pour la passion de la science, et vous seul possédez la science universelle et suprême. L'ignorance même et la stupidité ne se couvrent-elles pas du nom de simplicité et d'innocence, parce que rien ne saurait être plus simple que vous? Rien de plus innocent que vous, car c'est dans leurs œuvres que les méchants trouvent leur ennemi. La paresse prétend n'être que l'appétence du repos, et quel repos assuré que dans le Seigneur? Le luxe se dit magnificence, mais vous êtes la source vive et inépuisable des incorruptibles délices. La profusion se farde des traits de la libéralité, mais vous êtes l'opulent dispensateur de toute largesse. L'avarice veut beaucoup posséder, et vous possédez tout. L'envie dispute la prééminence, quoi de plus éminent que vous? La colère cherche la vengeance, qui se venge plus justement que vous? La crainte frémit des soudaines rencontres, menaçante pour ce qu'elle aime, elle veille à sa sécurité, mais pour vous est-il rien d'étrange, rien de soudain, qui vous sépare de ce que vous aimez? Hors de vous, où est la constante sécurité? La tristesse se consume dans la perte des jouissances passionnées, parce qu'elle voudrait qu'il lui fût aussi impossible qu'à vous de rien perdre. Ainsi l'âme devient adultère, lorsque, détournée de vous, elle cherche hors de vous ce qu'elle ne trouve, pur et sans mélange, qu'en revenant à vous. Cela vous imite avec perversité, qui s'éloigne de vous, qui s'élève contre vous. Et toutefois, en vous imitant ainsi, il montre que vous êtes le créateur de l'univers, et que vous ne laissez aucune place où l'on puisse se retirer entièrement de vous. Et moi, qu'ai-je donc aimé dans ce larcin? En quoi ai-je imité mon Dieu faux et criminel imitateur? Et je pris plaisir à enfreindre la loi par la ruse, au défaut de la puissance, et, sous les liens de la servitude, affectant une liberté boiteuse, et je trouvais dans la faculté de violer impunément la justice une ténébreuse image de la toute puissance. C'est l'esclave qui fuit son maître et n'atteint qu'une ombre. Ô corruption, ô monstre de vie, ô abîme de mort, ce qui était illicite a-t-il pu me plaire? Et par cela seul qu'il était illicite? Chapitre 7. Action de grâce. Que rendrai-je au Seigneur qui délivre mon âme du trouble de ses souvenirs? Que je vous aime, Seigneur, que je vous rende grâce et confesse votre nom, ô vous qui m'avez remis tant de criminelles et abominables œuvres. À votre grâce, à votre miséricorde je rapporte d'avoir fondu la glace de mes péchés. À votre grâce je rapporte tout ce que je n'ai pas fait de mal. Et de quoi n'étais-je point capable ayant aimé le crime sans intérêt? Et je confesse que tout m'est pardonné, et le mal que j'ai fait de gré, est celui que m'a épargné votre miséricorde. Quel mortel, méditant sur son infirmité, oserait attribuer à ses propres forces sa chasteté et son innocence, et se croirait en droit de vous moins aimer, comme s'il eût eu moins besoin de ce miséricordieux pardon que vous accordez au repentir des pécheurs? Que l'homme qui, docile à l'appel de votre voix, a évité tous ces désordres dont je publie le souvenir et l'aveu, se garde de rire s'il me voit guéri par le même médecin qui il doit de n'avoir pas été, ou plutôt d'avoir été moins malade, qu'il vous en aime autant, qu'il vous en aime davantage, reconnaissant que celui qui me délivre est le même qui l'a préservé des mortelles défaillances du péché. Chapitre 8. Ce qu'il avait aimé dans ce larcin. Malheureux, quel avantage trouvais-je donc alors dans ces actions, dont aujourd'hui la pensée me fait rougir? Romains 6, 21. Et surtout dans ce vol où je n'aimais que lui, rien sans doute, car lui, même n'était rien, pour moi cependant un surcroît de misère et pourtant seul je ne l'eusse pas fait. Ma mémoire me représente bien mon âme alors, non, seul, je ne l'eusse pas fait. C'est donc, en outre, la société de mes complices que j'ai aimée. J'ai donc aimé autre chose que le vol? Mais quoi? Rien. Car cela même encore n'est rien. Qu'y a-t-il donc là en réalité? Qui me l'enseignera? Que celui qui éclaire mon cœur et en dissipe les ténèbres. Quelle est enfin la cause de cet acte coupable? Mon esprit la recherche, il la poursuit, il veut la pénétrer. Si j'aimais ces fruits, si je les désirais, que ne les volais-je seul? Ne suffisait-il pas à ma convoitise de commettre l'iniquité sans envenimer par le frottement de la complicité les démangeaisons de mon désir? Mais ce plaisir que ces fruits ne me donnaient pas, je ne le trouvais dans le péché que par cette association de pécheurs. Chapitre 9. Liaison funeste. Quel était donc cet instinct de mon âme? Vil et honteux instinct, âme misérable, tu t'es livré à lui. Quel était enfin cet instinct maudit? Ô qui peut sonder l'abîme des péchés? Psaume 18, 13. C'était un rire malin qui nous chatouillait le cœur à l'idée de tromper un homme et de l'irriter. Pourquoi donc avais-je du plaisir à n'être pas seul? Seul, est-il plus difficile de rire? Il est vrai, et cependant un homme est seul, et le rire s'empare de lui, si un objet trop ridicule frappe ses sens ou son esprit. Mais moi, je n'eusse rien fait seul, non, seul, je n'eusse rien fait. Oui, mon Dieu, voici devant vous la vivante souvenance de mon âme. Seul, je n'eusse pas commis ce larcin, n'en aimant pas l'objet, n'aimant que lui-même. Seul, je n'eusse trouvé aucun plaisir à le faire, je ne l'eusse point fait. Ô amitié ennemie, subtile séduction de l'esprit, ardeur de nuire et de dérober, inspirée par l'entrain et le jeu, sans cupidité, sans passion vindicative, sur un seul mot allons, dérobons et l'on rougit de rougir encore. Chapitre 10. Élan vers Dieu. Qui démêlera ces tortueux replis, ce nœud inextricable? Il recèle la honte, je n'y veux plus penser, je ne le veux plus voir. C'est vous que je veux, ô justice, ô innocence, si belle ô chaste regard, dont la jouissance nous laisse insatiable. En vous est la paix profonde et la vie inaltérable. Celui qui entre en vous, entre dans la joie de son Seigneur. Matthieu 25, 21. Libre de toute crainte, il demeure souverainement bien dans le bien souverain. J'ai dérivé loin de vous, et je me suis égaré, mon Dieu, mon adolescence s'est écoulée hors de votre stabilité, et je suis devenu à moi-même une contrée d'indigence. Marc Emdan, archive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.